mémoire me rappelle pas que le pire. Heureusement que ce passé m'a gardé plein de bons souvenirs. Je sais pas si ça t'arrive moi, quand je me retrouve seul j'y repense. Tout ce qui s'est passé avec mes proches et ça depuis mon enfance. J'ai des photos, quand je les regarde je rigole. Les photos de classe tu sais, les sacrées bouilles qu'on avait à l'école. On a tous grandi, y'en a qu'oublié, moi t'inquiète tout est là. Même si je suis parti loin de l'endroit où se faisaient mes premiers pas. J'ai besoin de ces vibes pour apaiser mon esprit. J'ai besoin de ces souvenirs pour que dans mon entourage maintenant je puisse faire le tri. Plus petit j'ai toujours eu la tête dans les nuages avec mon héros. Comme lui, je voulais trop être un héros. En CM2, je commence à entrer dans son monde, à oublier l'école. J'ai dit, maman, t'inquiète, bientôt je décolle. Elle a toujours cru en son fiston. Aujourd'hui, je me dois que son fils tue. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Aujourd'hui, j'en deviens l'auteur. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Aujourd'hui, j'en deviens l'auteur. Ça y est, je suis en 6ème, c'est la grande classe. Les blonds sont plus à la mode, c'est aux blacks de prendre place. J'ai le sourire aux lèvres et j'ai encore rien fait. Mais c'est la vague qui dit que je suis efficace. Pour s'entraîner, je t'assure que c'est efficace. Ah ouais. Bref, 90, je quitte Michael Jackson pour le hip-hop. Dans ma brush, c'est playback non-stop. Ça m'a saoulé vite fait. J'ai voulu le faire en vrai. J'ai pris un stylo et une feuille. J'ai fait ah ouais. J't'avoue que ça me paraissait plus simple que ça. J'ai eu le coup de foot. J'ai persisté et je suis encore là. À l'époque, y'avait que les grands qui rappaient. J'étais le seul petit peu assis au fond de la MJC. J'ai su que c'était ma vie et je rappais comme une casserole. J'ai dit maman, regarde, bientôt je décolle. Elle a toujours cru en son fiston. Aujourd'hui je me dois que son fils tue. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Qui s'enlise. Aujourd'hui j'en deviens l'auteur. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Qui s'enlise. Aujourd'hui j'en deviens l'auteur. Je passe ma 18ème année et sors à peine de l'adolescence. J'en veux au monde et je veux lui prouver que ma vie a un sens. Avec des rêves à transformer en but, c'est ce qui m'élève. Au-delà de ces tours dans lesquels il faut surtout pas que j'y crève. J'ai dit à mes parents que je voulais m'assumer et partir. Ils m'ont dit bon courage si c'est vraiment maintenant que ça t'attire. J'ai mis un pied dans la vie active. J'ai dit ah bon, maintenant il va falloir franchement que je me prive. Je voulais cet appart, de quoi bouffer le nouveau Mobb Deep. Entre la CAF, la FNAC et la sécu, j'étais en plein flip. D'ailleurs j'étais pas le seul, ma banque faisait un bad trip. Mon découvert et mes factures n'avaient pas trop l'esprit d'équipe. Moi je voulais vivre du rap ou du sport. Ça les faisait rire, enfin bref, je vais pas te dire comment c'est dehors. Ma mère, elle a toujours cru en ce fils perdu. Elle m'a aidé avant que mon père me tue. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Qui s'enlise. Aujourd'hui j'en deviens l'auteur. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Qui s'enlise. Aujourd'hui j'en deviens l'auteur. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Qui s'enlise. Aujourd'hui j'en deviens l'auteur. Memory. Quand je me rappelle la mémoire de nos vies, ça me donne des ailes. La mémoire, moi j'écris. Ah, cette époque prend l'air. Qui s'enlise. Aujourd'hui j'en deviens l'auteur. Memory. Ou de mon sou, il rappelle à moi. Bien, quand on était petit, tête en l'air, tu l'étais où que ça te pouffait un bon petit bout de papier. Ça, c'est pas travail l'école. Zordi ou de papa, les fiers pour la musique, tu l'as fait. Tu défends pas trop mal la famille, toute la réunion, bonne créole, avec ça, que ça m'y peut dire plus. Je dis à tu merde.